vérité, attendu 30 ans, pour éclater, insolente et cruelle. Au sommet de l'État, régnait l'iniquité, au temps de l'ignoble Thecné. Feu mon père vous fut trahi, comme ce peuple vous en avez pâti. Mais je promets, dès aujourd'hui, de rétablir la justice avec l'aide de la police, de l'OXA et de sa nouvelle milice. Comme quelqu'un qui va périr et ne voit pas le mal venir. Or, quel homme se voiler la face pour ne pas voir la mort en face qui la tenait, qui l'embrassait. Notre fin n'est pas écrite, il nous faut quand même agir vite, car demain il sera trop tard pour changer le sens de l'histoire. Aussi je me tourne à présent vers ce que nous avons chassé et qui était des innocents ou coupables de vérité. Édéniens, nous vous disons pardon pour le mal qui vous a été fait. Nous vous prions de nous aider, car vous semblez avoir raison. Entrez dans le gouvernement où vous pourrez légiférer, puisque vous êtes clairvoyants. Aisément vous nous guiderez. Et pour fêter la renaissance, je te demande en mariage, Arion, accepte ma proposition. Entre les chefs des deux nations,